Oui, Seigneur. Ce matin, nous refusons tous les bruits, des pleurs et des cris, des pleurs dans l'église. Bien-aimé, une dernière chose, est-ce que tu peux, ce matin, proclamer la paix de Dieu dans l'ensemble de ses cultes? Que la paix qui vient avec la réjouissance que l'Éternel nous donne ce matin, que cette paix s'installe dans ta vie, qu'elle s'installe dans tous les domaines de ta vie ce matin. C'est un culte de réjouissance. Ce n'est pas un culte de cris, de détresse. C'est un culte de réjouissance. Est-ce que tu peux proclamer la paix de l'Éternel dans tous les domaines de ta vie ce matin? Est-ce que tu peux associer ta parole à la prière de ce matin? Est-ce que tu peux monter, bien-aimé? Proclame juste la paix, que Dieu t'accorde la paix dans les cœurs. Nous sommes assaillis par autant de stress. Ce matin, nous voudrons que l'Éternel de nous réjouir et d'être toujours dans l'allégresse, qu'il nous accorde cette paix intérieure, qu'il nous accorde cette paix et que cette paix touche chaque domaine de nos vies. Est-ce que tu peux le proclamer ce matin, bien-aimé? Est-ce que tu peux le proclamer ce matin? Tu peux monter à le proclamer ce matin. Tu peux y ajouter même des mains. Tu peux y ajouter même tes mains. Tu peux y ajouter même tes mains. Tu proclames que la paix soit totale dans tous les domaines de ta vie ce matin. Alléluia. Seigneur, merci ce matin pour ta grâce. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je veux créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Est-ce que le peuple de l'Éternel qui est là ce matin, il peut pousser des cris de joie? Il peut pousser des cris d'allégresse? Je n'étais pas encore vu, je n'étais pas encore entendu. Est-ce que tu peux t'élever ce matin pour pousser les cris de joie, les cris d'allégresse, les cris de joie à l'honneur de l'Éternel, à l'honneur de Dieu, à l'honneur de l'Éternel? Tu peux exagérer avec les cris de joie, tu peux exagérer avec les cris de joie, tu peux exagérer avec les cris de joie, tu peux le faire sur cette terre. Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Alors nous voudrons déjà louer l'Éternel avec trompette céleste. Oh, what a gimme, oh, long, oh, take a meal, long, oh, you're my Yesu John Aripaka. Nipaka Yesu Christo. Yeye John Aripaka. Nipaka Yesu Christo. Yeye John Aripaka. Bambaka Shamu. Mungu na mikono mbiri Yesu atakuripa kankamana na vya Mungu Yesu atakuripa Yesu ani mama oh hallelujah hallelujah hallelujah oh yeah hallelujah oh Basket. Pour l'Éternel. Quel chant, trompette, que Dieu vous bénisse vraiment. Un chant exhortateur. Alors, on doit encore continuer la louange avec la grande chorale. Je voudrais qu'ensemble, je voudrais nous inviter à nous tenir debout. S'il vous plaît, nous voudrons louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? La Bible dit, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. L'allégresse est différente de la joie. Alléluia. Alléluia. Dans l'allégresse, c'est une autre forme de joie qui se manifeste en dehors. Alléluia. Par contre, la joie, elle est juste un sentiment. Alors, je voudrais que pendant la louange de ce matin, que tu manifestes cette joie-là à l'extérieur. Il n'y a pas une louange intérieure. Il n'y a pas une louange silencieuse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, manifeste ta joie en dehors de toi. Tu peux lui dire et lui communiquer encore la joie. La joie, nous voudrons louer le Seigneur. Hosanna à l'agneau. Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire pour Jésus?

nous demander une chose avant d'adorer le Seigneur. Je voudrais nous inviter à nouveau à nous tenir debout pendant un moment. Nous voudrons juste faire une seule chose. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour la gloire du Seigneur? Nous sommes dans cette célébration, c'est un culte de réjouissance dans le Seigneur. Je veux que nous puissions juste faire des cris de joie parce que l'Éternel dit qu'il vous a accordé. Il veut que vous puissiez vous réjouir pour avoir de l'allégresse. L'allégresse se manifeste par la joie, par le bonheur qu'on peut communiquer, qu'on peut ressentir en soi et qu'on peut communiquer. Alors, nous voudrons juste faire des cris, de bruit d'allégresse pour exprimer notre joie d'appartenir à cette race de Jérusalem. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Tu peux y ajouter tes mains pour la gloire du Seigneur. Tu peux balancer tes mains pour la gloire de celui pour qui nous sommes là. C'est lui qui est venu accueilli comme un roi. C'est lui qui est venu accueilli comme un roi. C'est lui pour qui nous sommes là ce matin et vers qui nous poussons des cris de joie. Alléluia! Il est le Seigneur, il est l'Éternel, le Maître de gloire, le Seigneur de gloire. Alléluia! Dans cette même dimension, je voudrais que tu commences déjà. Monte, parle-lui ce matin. Est-ce que tu peux commencer à l'adorer par tes mots qui viennent du fond de ton cœur? Commence à adorer ce Père, ce Dieu, ce Seigneur. C'est lui qui est venu pour toi et pour moi. Nous ne l'avons pas mérité, mais il a fait. Est-ce que tu peux monter, bien-aimé? Monte encore pour dire merci au Seigneur. Au-delà de ce qu'il a fait, il y a de quoi l'adorer par rapport à ce qu'il est. Monte encore, bien-aimé. Adore ton Père ce matin. Oui, il est le seul agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et pour moi. Ce matin, nous voudrons encore lui exprimer notre reconnaissance par rapport à cela. Oh, de ce fait, il quitte notre adoration ce matin. Seigneur, ce matin, nous voulons encore célébrer ton nom. Adorer cet agneau qui a été immolé pour nous, pour moi. Oh, la source est réjouie. Thank you. Oh, merci, Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es pour bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Le culte, c'est un moment où nous parlons avec le Seigneur. Où nous lui parlons et nous parlons aussi. Élève ta voix, nous élevons la voix toute l'église. Élève ta voix. Élève ta voix. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Élève ta voix, commence à prier. Oh, j'aime ce cantique qu'on dit. Je ne sais pas comment on le chante. Bien aimé, il est puissant, le Seigneur. Il est puissant. Toute la puissance, c'est lui. Alléluia. Oh, notre Dieu est puissant. Il est puissant. Au ciel, sur la terre et sur la terre. Au Congo, en Afrique du Sud et partout. Seul Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, il est puissant. Puissant. Oh Jésus. Père, tu es puissant. Où est ta force? Où est ta force ce matin? Où est ta force ce matin? C'est toujours une grâce, un moment merveilleux quand je me retrouve dans ta présence. Je bénis ton nom. Il est élevé au-dessus de tout le nom. Sois élevé. Sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer correctement? Alléluia. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai toujours considéré que le moment de culte, c'est un moment exceptionnel. Alléluia. Amen. C'est un moment qui est différent de tous les moments que je rencontre dans la vie. C'est le seul endroit où tu peux t'exprimer librement dans la présence de Dieu. C'est comme ça que de temps en temps, je demande qu'on coupe un peu, que les musiciens arrêtent pour nous permettre d'adorer, de louer, de parler aussi avec le Seigneur. C'est un moment où je peux danser, c'est un moment où je peux sauter, je peux acclamer par rapport à tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé dans la joie ce matin, dans beaucoup de joie, je ne sais pas pourquoi. Je sens dans mon cœur beaucoup de joie. Je bénis le Seigneur. pour toute la joie. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes aussi réveillés de la même façon que moi. Que celui qui s'est réveillé triste reçoive la joie au nom de Jésus. Que celui qui s'est réveillé avec des soucis trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais introduire un thème exceptionnel et je vais plus parler des principes. Et je profite pour vous donner le programme. Le 30 mai, nous aurons une veillée de prière. Avec plusieurs serviteurs. Et le mois de mai, c'est 31 jours. Hein? Oui, je pense que c'est 31 jours. Et comme ça, nous, qui va nous introduire dans les 10 jours de chambre haute. Les 10 jours de chambre haute, je les appelle chambre haute parce qu'effectivement, c'est les 10 jours où les apôtres sont restés dans la chambre haute en train de prier avant la Pentecôte. La Pentecôte est arrivée 50 jours, Pentecôte 50 jours. Pentecôte, mais pendant 40 jours, Jésus s'est montré à ses disciples. Et à plusieurs personnes, donnant les preuves de sa résurrection. Après 40 jours, c'est l'ascension, donc la montée de Jésus au ciel. Et les disciples sont restés 10 jours dans la chambre haute en train de prier. 40 plus 10, ça fait 50. Et le 50e jour, le Saint-Esprit, la promesse est descendue. Et l'Église a commencé. Voilà, ça c'est le programme que je donne déjà. Pour que nous puissions nous préparer et que tous les différents groupes se préparent tel qu'on a travaillé à la Pâque. On travaillera pas exactement, mais un peu comme on a travaillé à la Pâque. Donc nos différentes chorales spéciales peuvent aussi se préparer. Alléluia. Amen. J'aimerais donner certains communiqués maintenant pour que je sois libre quand je vais donner la parole de Dieu. Le deuxième communiqué, le 17, c'est un jour férié. C'est le samedi qui vient. Je voulais qu'à 9h, qu'on ait une réunion des ouvriers de l'église sur ce fécond. Pour la première fois, je parle des ouvriers et non seulement, et non des serviteurs. Alors par ouvrier, j'entends les serviteurs, anciens diacres, diacres, et tous ceux qui font un travail dans l'église. Les musiciens, les conducteurs de culte, les leaders de chorales, les gens de médias techniques, les responsables de tous les départements. Donc samedi 17 à 9h, nous avons une réunion d'1h30 jusqu'à 10h30. Parce qu'après, nous avons autre chose à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai envie de chanter, mais je vais d'abord, avant de chanter, faire quelque chose. Je suis dans la joie ce matin de voir une maman que j'aime beaucoup. Et je bénis le Seigneur. Il y a des personnes, quand vous les voyez, vous les aimez. C'est important. Alors Dieu nous a bénis, Dieu nous a visités. Maman Bérénice venait d'abord. Maman Bérénice, pendant que s'approche, j'aimerais qu'on acclame. Wakati ana karibia, napenda kushangilia Bwana. J'aimerais qu'on acclame. Napenda tushangilie kwa ajili yake. Frère Sharon venait aussi. Son mari Sharon, aussi. Awa karibia tena. Son mari aussi peut venir. Alléluia. Amen. On peut me donner un micro? Patiego Kibuyu. Donne-moi un micro. Vous savez pourquoi j'ai appelé cette maman? Yo kani naita mama uyo. Elle vient de très loin. Anatoka ya mbali kabisa. Alléluia. Amen. Elle vient vraiment de très loin. Akika anatoka ya mbali kabisa. La semaine passée, elle m'appelle. Elle dit, non, papa, priez pour moi, je ne me sens pas bien. C'est baba, uniombe, ya, sababu, vizuri. Nous avons prié. Tuliweza kuomba. Et depuis lors, sa situation s'est dégradée. Natangia pale hali yake, ilikuwa mbovu kabisa. Elle s'est tellement dégradée. Iliharibika kabisa. Qu'elle est même entrée en réanimation. Qu'elle était, on était obligé de lui donner une respiration assistée. Alingia mo hospitalo mo réanimation na bari msaidia kumuongezea kupepo juu apumzike vizuri. Nous avons prié ici il y a deux semaines contre les esprits de mort prématurés. Tuliweza kuomba hapa kwa ajili ya mapepo yote ya kifo kia haraka. Et je bénis le Seigneur. Na nabariki tena Bwana qui a touché Sharon son mari. Uligusa ndugu Sharon mume wake. Qui a pris la décision de la transférer à Lubumbashi. Alikamata mupango amupeleke kule Lubumbashi. Et à Lubumbashi, elle était il y a un mot que j'entendais à l'époque en Swahili, tabani. Kwa tabani kabisa. Donc c'était vraiment compliqué. Et ya nguvu kabisa. Je priais, je posais des questions à ceux qui pouvaient la voir. Kwa naomba na kuuliza bale balienda kumwangalia. Par rapport à mon programme, bien que j'étais à Lubumbashi, chaque fois je voulais me libérer, mais mes réunions se terminent toujours vers 21h-22h. Et Dieu a fait grâce. Na Mungu alifanya neema. Amen. Quand je la vois, wakati tunamuona, je vois la main de Dieu. Naona mkono ya Mungu. C'est un couple, vous savez, j'ai beaucoup d'enfants. Chaque enfant a sa particularité. C'est un couple qui me fait du bien. Qui aime l'église. Et qui m'aime aussi. Alléluia. Amen. Et je les aime aussi. Alors, je vais donner le micro à Maman Bérénice. Elle va nous expliquer brièvement. Souffrez aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comprenez que c'est un jour spécial. Elle va nous parler pendant. Elle va nous expliquer d'où elle vient. Et après, nous allons louer le Seigneur avec un. J'ai deux cantiques qui traversaient ma tête quand je priais le matin. Donc vous vous préparez pour l'un des deux cantiques. Donc pendant que donne son témoignage, les instruments s'apprêtent, vous vous préparez pour l'un des deux cantiques. Ok, je donne le micro à Maman Bérénice. Si celle qui doit chanter n'est pas là, vous l'appelez, elle vient chanter, il n'y a pas de souci. Amen. Ok, on va écouter Maman Bérénice. Maman Bérénice. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma vie. Je dis merci à Papa. C'est ma santé quoi, Baba. Je dis merci à toute l'Église pour vos prières. C'est ma santé quoi, Kanisa, Mouzi, ma quadra, mon bien. Je me tiens debout aujourd'hui devant vous. Et qui si Maman Léo a soukoui, Mbele Yenu. Je dirais que c'est Dieu. C'est Dieu. Na ona kamani Mungu. J'étais déjà parti. Il y a quoi, Nirisha Enda Zaman. Ça a commencé comme une blague. La malaria. malaria na vitu ifuatayo. Asubuhi yote ukiamka mpaka paka uwepo yake Mungu. Kama mume wangu akuongozwa na Roho Mtakatifu, kuya kuna ile mawazo akinipeleka pale Lubumbashi, sijui kama tena ningeweza kuwa pamoja nani. Kama niliweza kubakia hapa, niliweza kufariki. Kwa rehema yake Mungu, upendo na uaminifu yake, aliruhusu leo tena nikuye mbele ya makutano ya Mungu. Haleluya. Nifanya karibu siku tatu reanimasyo. Na siku saba kule banyongezea tena pepo jua kupumzika vizuri. Bababa, bazazi, banduku na dada. Kama tunapumzika basi neema tu ya Mungu. Nilianza kushinda kupumzika bila upepo niweze kunyongezea. Unaweza kuona? Kutoka hapa kwenda Lubumbashi bila mganga na bila gari ya wagonjwa. Iliniruhusu tu nipumzike vizuri basi nifanye hivi. Nilianza kuinama kidogo ndio napumzika vizuri. Wakati nilikuwa nabadilisha hali na yangu, sikuwa napumzika tena vizuri. Ilikuwa mbovu kabisa. Kila wakati nianza kufikiria juu ya watoto, sababu sikuwa nao. Nilianza paka kulia. Nilikuwa nasema watoto wangalike wadogo. Nilikuwa namwambia Mungu, sema asante kwa maombi yenu. Asante kwa mchungaji. Amen. Okay, je vais prier pour vous. Napenda kukuombea. Mettez-vous à genoux. Mais pendant que je prie, finalement quand mon culte commence toujours plus tôt que 8h, 5h, je ne sais pas. Le Seigneur m'a confirmé. Bwana alinihakikishia que Mama Berenice ou le couple fasse un vœu. Ya kama mama huyu manake Josia ifanye kiapo. Pour que pareille chose n'arrive pas. Et mambo yeye namna tena ishikabafikie. Et vous devez parler à ce vœu là. Na museme na kiapo yenu pour que cette situation n'arrive pas. Et hali mbovu ishikabafike tena mara nyingine. L'ennemi a cherché ou cherche à faire du mal. Adui anabatafutia batende mabaya. Mais le Dieu que nous servons vous a fait grâce. Lakini huyu Mungu tunayemtumikia amefanyia kuneema. Je continue à croire que Dieu est fidèle. Endelea kuamini kama Mungu ni mwaminifu. Autant il est fidèle pour vous. Japo anakuja tena mwaminifu kwa ajili yenu. Il est fidèle aussi pour tout le monde. Ni mwaminifu tena kwa ajili ya watu wote. Ce que j'aime avec Dieu. Ile napenda tu pamoja na Mungu. Quand il y a des choses qu'il fait au milieu de vous. Kama kuko vitu anafanya katikati yenu. Il ne le fait pas seulement pour ce couple. Aifanye tu kwa ajili ya Josi hapa. Ce pas seulement pour Mama Berenice. Aina tu kwa ajili ya Mama Berenice. Et il fait pour que ceux qui sont là trouvent un motif d'encouragement que non, Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Et qu'on ait fait quoi de balé beaucoup parler par quoi na jambo moi c'est ma kumungu qu'on a qui m'a fait vivre tout le flâne. Alléluia. Amen. Alors nous levons nos mains vers le couple. Tu chantes mi kono yetu yende bele ya Josi. Et nous remercions le Seigneur pour eux. Tu shukuru Bwana. Et nous bénissons l'amour de Dieu dans leur vie. Tunabariki upendo wa Bwana kwa maisha yao. Prions le Seigneur. Tuombe wote Bwana. Père, Baba, chaque jour, Kilasiku, tu nous donnes une occasion d'élever ton nom au-dessus de tous les noms. Natupa wakati tuinue jina yako juu ya majina yote. Tu veux toujours remplir l'église de chants d'allégresse. Merci pour ce couple. Merci pour la restauration, la guérison de Mama Bérénice. Je déclare que le pouvoir de la mort a été englouti dans la vie de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus ressuscité qu'il n'y aura plus de mort prématuré dans votre vie. Personne ne te privera. Tu restes de tes années. Ce que tu as prévu, tu les accompliras. Ni la maladie, ni les complots du monde des ténèbres n'auront de pouvoir sur toi, sur ton mari et sur tes enfants. Je proclame par le pouvoir que Dieu m'a donné la vie et la vie en abondance dans votre maison, dans votre couple. Et puisque la vie est là, que les choses qui ne marchent pas commencent à marcher, que les choses qui amenaient la douleur soient enlevées et que votre vie soit rempli de paix. Seigneur, merci. Je les bénis. Et je bénis tous ceux dans l'église qui sont malades. Que ta grâce soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous allons louer le Seigneur avec la chorale. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous louons le Seigneur pour l'un de notre. Et vous savez, il faut. Mettons-nous debout, mettez-vous debout. Mettez-vous. Il y a. Vous savez, la Bible, quand nous faisons quelque chose, j'essaie toujours de rentrer dans la parole de Dieu un instant. Je vais vous lire. Je suis dans Luc chapitre 15. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, ma fille, que voici était morte, elle est revenue à la vie. Elle était perdue et elle est retrouvée. Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Oui, la chorale. Maman, gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh. Alléluia. Moi aussi, je témoigne pour la gloire de Dieu. Dieu est vivant, le Dieu de cette église. Il est vivant. Il existe. Il est vivant. Je ne les cache pas. J'ai eu un quatrième enfant par césarienne et je bénis le Seigneur pour cela. C'est ma faiblesse que Dieu se glorifie. Et je sais que c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque je me tiendrai devant pour encourager les femmes, c'est Dieu qui trace un chemin. Alors, la kebita koufreye chemin ou pate bato, toi ta banafunga inji. Alors, mi chichiki ake aya, mi na mtukuza mumbu, jo ekuna uwezo yote, acclame le Seigneur. Beta milonga! Oh, Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Vous savez, c'est ça le culte. Injo ibada. Alléluia. Amen. Justement, je rends grâce aussi pour Maman Gloria. Que Dieu la soutienne, que Dieu la bénisse. Il faut qu'elle rentre au travail maintenant. Amen, n'est-ce pas, Mouzé? Maintenant, elle reprend le travail. C'est important. Quand on sert le Seigneur, c'est aussi une façon de prier. Nos mots ne disent pas tout. Alléluia. Amen. Vous êtes sûr que dans l'alphabet français a combien de lettres? 26. Combien? 26. L'alphabet anglais a combien de lettres? Combien? C'est pas 24? 26, hein? Ok, 26. L'alphabet chinois, l'alphabet Luba a combien de lettres? L'alphabet Chokwe Rund, combien de lettres? En fait, tous les alphabets des Noirs ont moins de lettres. Vous n'allez pas voir dans nos noms. Il y a quelqu'un qui a un nom, il y a X. En fait, c'est des lettres qui n'existent pas dans nos alphabets. C'est-à-dire, déjà, il y a des mots que nous ne savons pas exprimer. Et c'est comme ça que quand tu es devant la face de Dieu, tu ne diras pas tout. Il y a des moments où tu t'étais. Et c'est comme ça que j'encourage les gens à prier en langue. Dieu a prévu ça parce que nos mots ne vont pas suffire pour exprimer ce que nous voulons exprimer. J'ai dit ça parce qu'après les cultes, j'ai prévu de prier pour les gens qui ont été remplis la fois passée et à qui on a dit qui ont des dons de prophétie. J'ai noté certaines choses pour ne pas oublier. Donc je vais prier pour eux à la fin du culte. Et puis je vais faire encore quelque chose à la fin du culte pour bénir le Seigneur. Simplement nous voulons écouter la parole de Dieu. Tourne ton cœur vers le Seigneur. C'est maxanti kwa mungu angu na se maxanti kwa we mawaku kwa ma Sifa Zako Kumatai J'aimerais là où tu es assis. Choisis trois choses pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu ce matin. Ce que tu considères que c'est pour les trois grandes choses ici. J'ai des raisons de dire merci à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Si tu n'as pas trois choses, ce n'est pas grave. Si c'est une seule chose, tu dis Dieu, c'est la seule chose pour laquelle tu es. Merci au Seigneur. Oh, j'ai raison de dire merci à Dieu. J'ai des raisons de dire merci à Dieu. Ce que Dieu, tu as fait dans ma vie. J'ai des raisons. Même si les autres ne comprennent pas. Pourquoi je suis dans l'église? Pourquoi je te cherche? Je sais, j'ai raison. J'ai des raisons, Seigneur. Quand tu me vois ici, j'ai des raisons de te dire merci. J'ai des raisons de te dire merci. Alamoussa baba. Réapposa karabou. Ikere boussa baba. Réma baba. Oh merci Jésus. Merci mon maison. Merci mon mari. Merci là où tu m'as récupéré. Oh merci. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Pour tes enfants, pour ton mari, pour ton travail. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bon, le culte d'aujourd'hui, laisse ce qu'il est. Hein. Ne maintenez pas rigueur. Allons-y toujours comme nous allons. Alléluia. Les instruments, si gardez vos instruments. On va préparer un cantique, Jésus est Seigneur. On va chanter ce cantique pendant une minute. Je vais faire quelque chose. Aujourd'hui, je me suis rappelé. On m'a rappelé. Que c'est la fête des mères. C'est la fête des mamans. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Donc, le monde entier, le 12 mai, c'est la fête des mères, la fête des mamans. Et la nuit, quand j'ai discuté, j'ai dit, mais pourquoi nous, les papas, disons, non, vous, les papas, on va te montrer pourquoi on ne donne pas la fête des papas. Alors, on me montre un petit qui vient, un enfant fou, je papa, non, pique à ma pitroie. Un enfant qui vient, qui fait les dégâts, papa, il gifle un peu. C'est comme ça qu'il n'y a pas de fête des papas. Nous donnons les fêtes aux mères parce que les mères sont gentilles. Alors, je voulais aussi ce matin souhaiter bonne fête à toutes les mamans de l'église. Bonne fête à toutes les mamans de l'église. Bonne fête à toutes les mères de l'église. Est-ce que un instant, les mamans restent assises. Nous les hommes, nous nous levons et nous acclamons pour les mamans. Nous les hommes, est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Ok, que Dieu vous bénisse. Est-ce que chaque homme peut souhaiter bonne fête à 5 mamans? Tous en parlant les tous. Pendant ce temps, j'ai besoin de protocole. J'ai une fille du protocole. C'est bon. Écoutez, on va faire ceci. Si ta mère n'est pas dans l'église, là où elle est, tu arrives, tu donnes un coup de fil, tu dis bonne fête maman, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous souhaitons bonne fête à nos mamans qui sont à Kabiakamwanga, à Kasaji, à Muchacha, en Afrique du Sud. Nous souhaitons bonne fête des mères. Nous leur souhaitons bonne fête des mères. Maintenant, je voulais faire quelque chose, mais je n'arrive toujours pas, mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce que je voulais faire. Alors, j'ai une fille que j'aime beaucoup. Mati vient. Il y a aussi une autre du protocole. Je ne la vois pas aujourd'hui. Une jeune. Elle est où? J'ai oublié son nom. Non, va là-bas. Ok, aidez-moi à donner. J'ai prévu, donnez-moi une rose ou une carte à toutes les mamans. Que chaque maman reçoive une carte et une rose. Bon, attends, toujours rose, Nini, une carte. Oui, mais Batou. Beba. Prends la rose. Vous savez, non, il y a bonne fête. Aïe, la carte pour maman. Ok, elle est là, derrière Papa Pacifique. Viens, viens mon ami. Ah, comment j'ai oublié ton nom? Ah, j'aime, elle est très attachée. C'est Jemima, c'est ça? Jemima. Elle est très attachée à l'église, elle est très dévouée. Ok, écrivez bonne fête maman, bonne fête maman, sur les cartes, sur les roses. Donnez une rose à chaque maman, donnez une carte à chaque maman. Ok, si tu n'as pas besoin de courir, mêlez une fleur. Aujourd'hui, rien que la fleur. Ok, on va chanter. Ok, pendant ce temps, nous chantons, pendant qu'on distribue les roses. Kabula Maoua. C'est ça. Oui, grâce. Qu'est-ce qui se passe? On m'a rassuré pour vous donner au maman. Thank you. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la perdent l'eau en la portant à la main, à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Une histoire merveilleuse. Adisi Nzuri Kabisa. Très bonne histoire. Adisi Yamzuri. Très très bonne. Koyamzuri. Qui nous introduit dans un thème extraordinaire. Ikunatuengisha mkishina moya ajabu kabisa. L'Éternel a sa méthode pour te donner la victoire dans la vie. Dis à ton voisin, Dieu a sa méthode pour te donner la victoire dans la vie. Dis à ton voisin, Dieu a sa méthode pour toi. Dieu a sa méthode pour toi. Dieu a sa méthode pour toi. Il a sa méthode pour toi. Ce matin, je vais introduire. En fait, dans la méthode de Dieu, la première étape, c'est le choix de ceux qui vont partir, qui feront partie de l'armée de la victoire. D'abord, il choisit les hommes. Ça, c'est, j'en parle aujourd'hui. Et à partir de mercredi, je voulais même parler mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Et à partir de mercredi, nous allons voir si Dieu choisit les gens. Dieu va leur donner des outils ou des armes pour la victoire. Et souvent, il y a des armes dont on ne parle pas. Mais ici, nous allons parler de certaines armes. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Donc pendant 3 jours, je parlerai des 3 armes. La trompette, tarumbeta, la cruche, mutungi, et le flambeau. Na flambeau. La délivrance par la trompette, manayake ufungulivu kupitia tarumbeta, la cruche, na kupitia mutungi, et le flambeau. Na bimbi la moto. Ça sera le travail de la semaine. Et ça va nous amener à parler de 7 trompettes d'Apocalypse qui ont été sonnées par l'ange pour annoncer quelque chose. Et vous comprenez que dans l'Ancien Testament, chaque fois qu'il revenait de la victoire ou qu'il devait aller vers la victoire, il fallait avoir une trompette. Et Paul dit que si la trompette ne donne pas un bon son, le peuple ne va pas se préparer au combat. La trompette, c'est la puissance de la parole prophétique. La trompette, c'est aussi un jugement. Nous en parlerons au courant de la semaine. Vous n'avez jamais entendu parler de cette trompette de l'Apocalypse, de la fin des temps, venez en semaine. La cruche, et mutungi, c'est des cruches vides. Ni mitungi, mitupu, hamuna kitu. Comment les cruches vides vont nous donner la victoire? Je, mitungi, mitupu, nezo tupatia ushindi. Et la Bible dit, la Bible anasema, que les cruches, et mitungi, les cruches vides, mitungi, bila kitu ndani, ont la possibilité, la seule faiblesse, c'est qu'on peut les briser facilement. Mais Dieu les utilise comme armes de victoire. Alléluia. Amen. Ta vie est une cruche. Maisha yako inakuwa ni mtungi. Qui est une arme de victoire. Inakuwa nayo tena silaha ya ushindi. Et le flambeau. Sasa hii bimbi la moto. Dans les ténèbres. Wakati ya giza. Il faut le flambeau. Nous ne sommes pas seulement le sel de la terre. Nous sommes aussi la lumière du monde. Ok, ça nous allons en parler en semaine. Mais ce matin, je voulais introduire pour parler que Dieu a sa méthode pour te donner la victoire. En introduction, je vais dire deux choses. D'abord, j'ai dit que dans la plupart des circonstances de nos vies, nous pensons que dans nos problèmes, selon nos émotions, nous voulons donner un schéma à Dieu pour nous donner la victoire, pour réussir. Et ça, c'est le piège du diable. Beaucoup de gens ont la promesse de Dieu. Mais généralement, Dieu ne donne pas le schéma. Dieu garde ça comme secret. Pour que tu le cherches en tout temps. Il faut chercher en tout temps. Mais beaucoup de gens prennent des raccourcis. Écoutez-moi bien aimé. Les raccourcis ont le malheur de raccourcir la main de Dieu dans nos vies. Amen. La plupart des gens qui ont pris les raccourcis, il y a des gens qui Dieu a dit, tu vas épouser telle femme. On viendra t'épouser. À la première venue, au premier venu, il ne comprend pas très bien la main de Dieu. La plupart des gens qui sont passés par ces raccourcis-là ont des problèmes dans leur ménage. Alléluia, je vois la salle calme, les enfants me regardent, c'est vrai. Évitez ce raccourci-là. N'est-ce pas mes enfants? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ne vous fâchez pas contre papa. Les raccourcis dans la vie raccourcissent la main de Dieu. Les shortcuts là Makatobola, ma raccourci. Ce n'est pas toujours la bonne voie. Au début, ça va paraître marcher. Ce n'est pas le début qui importe dans la vie. C'est la fin qui importe dans la vie. Alléluia. Amen. Mes enfants, je vous supplie, les raccourcis ne sont pas toujours bons. Laissez, Dieu a sa méthode. Vous savez, Abraham, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Les années passent. Les années passent. Les années passent. Il dit non, Dieu a oublié. Frère, Dieu n'a pas oublié. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. Amen. Agar va voir Abraham. Abraham aussi voulait, je suis sûr. Il dit à Abraham, j'ai une bonne servante. Agar. Prends-la. Elle va te donner un enfant. Abraham n'a même pas dit non. Eh, Abraham, Abraham, Abraham, père de la foi. Non, Abraham aussi voulait quelque part. Hein? Bon, je ferme la parenthèse. Abraham prend Agar. Et puis, Ismaël est venu. Quelque temps après, Sarah se fâche. Sarah na kasirika. Je veux chasser Agar. Natakumfukuza Agar. Abraham lui dit, mais pourquoi? Abraham anasema juu ya nini? Non, depuis qu'elle est grosse. Atangia alipata mimba. Elle ne me respecte plus. Yapana kunyeshimia tena. Pourtant c'est moi qui lui ai donné ça. Hapo ni mimi nilimwambia afanye hivyo. Les raccourcis. Manjia ya mfupi. On leur problème. Iko na mambo yake. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a sa méthode. N'aide pas Dieu. Sinon il sera Baal. C'est comme le père de Gédéon. Mais si Baal est Dieu, qui se défend de lui-même, notre Dieu se défend et se défendra toujours lui-même. Adam na mutambula leo. Agissez mes kintu. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour le défendre. Le temps viendra où les gens vont se prosterner et dire c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le temps viendra. Oh non, non, il est le serviteur de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Alléluia. Sarah dit à Abraham, non, non, il faut la chasser. Abraham dit, mais c'est toi qui as mené Agar. Pourquoi? Sarah voulait résoudre un problème selon sa méthode. Ils avaient la promesse. Frère, tu as la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a caché, c'est la méthode pour arriver au résultat. N'est-ce pas? C'est ça le problème de nous. Nous tous, enfants de Dieu. Dieu a dit, tu seras riche. Non. Dieu t'a dit, tu seras un grand musicien. Directement, non, il faut pas passer le micro. Non. Dieu a sa méthode. Et beaucoup de gens ont raté dans la vie parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu travaille. Et j'aimerais cette semaine que nous puissions nous parler comme ça. Comment Dieu travaille. C'est des erreurs qui arrivent dans la vie. C'est des erreurs qui arrivent dans la vie. Je vois Moïse. Dieu lui dit, tu vas libérer le peuple. Dieu ne lui a pas dit quand. Dieu ne lui a pas dit comment. Avec qui. Moïse voit un Égyptien qui frappe un Israélien. Il va, il le tape. Il part. Il pensait que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, la délivrance de Dieu n'était pas de taper tous les... il n'allait même pas les taper tous. Il ne pouvait même pas les taper tous. Le lendemain, quand ils vont encore en train de combattre entre les Israéliens, entre eux, il vient les séparer. L'autre dit, non, tu veux me tuer comme tu as tué hier les Égyptiens. Moïse réalise que ce n'était pas la bonne méthode. Mais il avait la promesse. Frère, tu as la promesse d'être grand, d'être élevé sur cette terre, d'être une dame, un monsieur dans ce pays, d'avoir des voitures, d'avoir un bon mariage, d'être riche. Est-ce vraiment la méthode que tu dis, c'est la méthode de Dieu? Moïse a fui Pharaon. Moïse a quitté le palais. Hormis tous les aspects théologiques. Quand tu utilises les mauvaises méthodes, il y a des palais où tu n'entreras plus. Alléluia. Moïse était dans le palais. Quand il sortait, il roulait carrosse. Mais parce qu'il a utilisé une mauvaise méthode, il devait fuir le palais royal. Ma méthode, il y a mon bail, notre kimbisera kumbele avant de bengin. N'est-ce pas? Moutou qui pas temi mala kimbi ana fucham. Pourquoi il a utilisé la mauvaise méthode? Bien qu'on lui a dit tu vas te marier, à la limite, te marier avec cet homme. Mais est-ce que c'était le temps? Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'était de cette façon-là? Et aujourd'hui, il y a des mariages, des couples qui ont des problèmes, non seulement entre parents, et ce problème se répercute directement dans les générations. Et pendant que je parle de ça, je sens en moi-même, il y en a dans cette salle, vous devez arranger pour sauver votre progéniture. Je sens ça dans mon cœur. Il faut arranger. La méthode n'a pas été bonne. Les mauvaises méthodes ne donnent jamais de bons résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'enseigne. Je prêche. Prenez ce que vous pouvez prendre. Mais ma prière est que Dieu puisse vous aider. Voilà, ça c'est l'introduction. L'homme a tendance à donner à Dieu ses méthodes ou à changer les méthodes de Dieu parce qu'il pense réussir. Pourquoi? Parce que ça traîne. Abraham, vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 16. Moïse, vous trouverez ça dans Exode chapitre 2. Genèse 16, 1 à 6, vous allez trouver l'histoire d'Abraham. Moïse, Exode 2, 11, 15, 16, 17, vous allez trouver l'histoire de Moïse. Je rentre maintenant à notre texte que nous avons lu aujourd'hui. Je suis dans Juges chapitre 7. Je vais essayer d'aller verset par verset. Je donne d'abord le contexte et nous expliquons. Je vais donner, je pense, 7 principes. 6 principes ou 7 principes. Et vous allez retenir les 7 principes, les 6 principes. Ça va vous aider dans la vie. Alléluia. Gédéon doit, Dieu lui donne la promesse d'attaquer Madian et de remporter la victoire. Comme toi ce matin, tu as un ennemi ou tu as des ennemis terribles. Il y en a qui prennent ta production. Quand je parle de la production, je ne vois pas seulement la production dans les affaires. Il y en a qui tuent même tes enfants. Tout ce que tu peux donner comme résultat, Madian venait et prenait la production. Et il ne venait pas seul. Il appelait d'autres ennemis. Un malheur ne vient jamais seul. Bon, le bonheur aussi ne vient jamais seul. Il appelait d'autres ennemis. Et la Bible dit que Israël fut malheureux pendant 7 ans. Et il y a des gens qui sont malheureux pendant plusieurs années. Mais Dieu veut te donner la délivrance. Comment Dieu va le faire? Alors Dieu dit à Gédéon, rassemble l'armée. Gédéon avait beaucoup de gens autour de lui. Dieu dit à Gédéon, les gens sont trop nombreux. Si je te donne la victoire comme ça, les gens vont dire non, c'est notre force qui nous a donné la victoire. Je vais revenir à tout ça, j'explique d'abord. Dieu dit tu dois diminuer. Il diminue. Dieu lui dit, ils sont encore nombreux, vous êtes forts. Il diminue encore. Il diminue encore. Des 32 000 militaires. Dieu arrive à 300 militaires. Même pas 320. Même pas 3200. Même pas 320. Donc vous comprenez que je ne suis pas dans le dixième, je ne suis même pas dans le centième. Moins. Et Dieu lui dit, va maintenant à la guerre. Gédéon regarde Dieu et lui dit, Dieu, de 3000, de 32 000 à 300, tu me dis d'aller à la guerre. Dieu lui dit, va maintenant à la guerre. Et Dieu lui dit, ces 300-là vont prendre les trompettes, les cruches et les flambeaux. Mais ça paraît fou. Quand je me disais, je me suis mis à la place de Gédéon. En tout cas, si tu n'as pas rencontré Dieu dans ta vie, il y a des missions de Dieu que tu ne feras jamais. Alléluia. Si tu n'as pas rencontré Dieu, si tu n'as pas une expérience où ce jour-là, tu as vu le feu sortir du rocher. Si tu n'as pas une expérience où ce jour-là, l'ange de l'Éternel a disparu devant tes yeux, il y a des missions que Dieu te demandera que tu ne sauras jamais faire. Oh bien-aimé, j'aime le Seigneur. Pour le moment, ce que Dieu fait, la Bible dit, il exerce nos mains au combat. Donc avant de te donner le combat, il y a un exercice. Avant de te donner le mariage, il y a un exercice. Avant de te donner l'argent, il y a un exercice. J'ai dit il y a un mois, que l'argent était mystique. L'argent était mystérieux. Le mariage est mystérieux. La richesse, elle est mystérieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas connu du commun de mortels. Il y a des secrets pour avoir l'argent. L'argent n'aime pas les gens qui ne le connaissent pas. L'argent, là, n'aime pas les gens qui ne le connaissent pas. Si tu ne le connais pas, si tu ne le respectes pas, il ne viendra jamais chez toi. Quel que soit le nombre de courses que tu feras à la montagne. Alléluia. Alléluia. C'est pour ton bien que Dieu va te préserver. Aujourd'hui, là, il y a certains montants si on donne à nous tous ici. Dimanche, on a 8h30. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 1. Jérubal qui est Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source. Vous pouvez souligner tout le peuple. Ça m'intéresse. Lisons la Bible autrement. Tout le peuple. Principe numéro 1. Retenez ça bien. Ce n'est pas tous ceux qui sont avec toi aujourd'hui qui seront avec toi dans ta gloire. C'est dur, mais c'est vrai. Il était avec tout le peuple. Ses soldats, sa famille, ses enfants, sa femme. Mais dans la victoire, tous n'y sont pas entrés. Sois seulement attentif dans la vie. Tous ceux qui sont avec toi aujourd'hui ne feront pas partie forcément de ton collège de victoire. Ça signifie il y a des gens que Dieu te donnera dans la vie pour un temps donné. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais donner des principes. Il y en a, ils sont durs presque tous, mais ils sont vrais. Tel que vous êtes là dans la chorale, tous ne seront pas avec toi, madame, quand Dieu t'élèvera. Il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont t'accompagner. Mais c'est nos... Regardez même dans nos amis, tous les amis d'enfance. Ils sont où? Ils sont où? Abraham lui-même a quitté avec Lot. Mais quand il devait entrer dans ses promesses, il devait y entrer sans Lot. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? David, quand il est devenu roi, il y a des gens qu'il a rencontrés dans son parcours, mais qui ne devaient pas partager la royauté. Et moi, je dis à Dieu, Dieu, pourquoi tu me dis ces choses? Jonathan. David nous dit qu'il aime Jonathan. Donc l'amour entre David et Jonathan dépasse l'amour entre David et sa femme. Mais Jonathan n'est pas entré avec David dans la royauté. Frères et sœurs, il y a des gens peut-être que vous aimez abondamment aujourd'hui. Mais vous n'entrerez pas forcément avec eux dans la gloire. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce. Fais grâce. Tout le peuple qui était avec Gédéon. Mais tous ne sont pas entrés avec lui dans la gloire. Il y a des gens du parcours qui vont rester dans le parcours. Il y a des amis qui resteront dans le parcours. Il y a des choses qui resteront dans le parcours. Il y a des amitiés qui resteront dans le parcours. Mais ce que nous cherchons, que ces amitiés restent éternelles. Et même, non, ça je ne peux pas dire. Frère, et même certaines relations, on doit seulement prier. Lève ta main là où tu es. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te prie que mes amis que j'ai aujourd'hui, que ma femme que j'ai, que mon mari que j'ai, ne m'abandonne pas dans le parcours, que j'entre avec eux dans la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, chaque principe, on va commencer à prier comme ça jusqu'à ce qu'on va terminer. Mais je prends les choses telles que Dieu me les a données. C'est dur, mais je n'ai pas beaucoup de choix. Dieu a voulu nous donner ces choses-là. C'est comme ça, quand vous voulez vous faire du bien maintenant, faites ça, faites-vous du bien maintenant. Parce que demain appartient à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Deuxième principe. Verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Je prends d'abord le deuxième principe. L'Éternel dit à Gédéon. Ce qui m'a intéressé, c'est dit. Deuxième principe. Savoir écouter Dieu même au milieu de bruit. Savoir entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens sont dans les églises. Nous chantons, nous sautons, nous prions dans nos vies, dans nos maisons. Mais si on te demande, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Beaucoup sont incapables de discerner la voix de Dieu. Frères et sœurs, tu n'iras jamais loin si tu ne sais pas écouter la voix de Dieu. Il y aura toujours du bruit autour de nous. Il y avait 32 000 personnes. Il y avait la famille de Gédéon. Il y avait Madian qui menaçait à la porte. Mais quand Dieu a dit, Gédéon a écouté. Faisons un exercice chacun. Tu te réveilles, tu te dis oui. Ici, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Quel que soit le problème, Dieu m'a parlé. Élie commençait à fouiller. Dieu lui dit, va dans la caverne. Je vais passer. Je suis dans 1 roi, chapitre 19. 1 roi, chapitre 19, à partir du verset 11. Élie, il dit, Dieu lui dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Écoutez, il eut un vent fort qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Beaucoup de gens, quand ils voient des choses extraordinaires, les montagnes sont brisées, les rochers sont bousculés. La Bible dit, l'Éternel n'était pas là. L'Éternel n'était pas là. Mais les montagnes étaient prises. Les rochers étaient pris. Les montagnes, l'Éternel n'était pas là. Et après le vent, il y a un tremblement de terre. La terre tremble. Oh, Likasi. Likasi. Il y a eu des prophètes. On me parlait des prophètes qu'il y avait, je ne sais où, à Kampumpi. Tout le monde est parti là-bas. Il y a eu des prophètes, je ne sais où. Les gens sont partis. Il y en a avec, ils sont même morts. Bien aimé, dans la vie, fais un effort de savoir écouter le Seigneur. Le verset 13 nous dit, quand il y a eu un vent doux, un soupir doux, je pense. 13, mettez 13. Il y a eu le feu, tout ce que vous voulez. C'est le verset 12. Hein? Et après, un murmure doux et léger. Donc, quand c'est doux, c'est que c'est à peine perceptible. Alors, Élie sort. Il dit, Dieu est là dedans. Bien-aimé, nous ratons beaucoup de choses. On ne sait pas discerner la voix de Dieu. Beaucoup de choses. Il faut écouter la voix de Dieu. Je me rappelle toujours, je suis directeur à l'UIT à Boss Mining. Je remplace un blanc. On me paye $6,000 le mois. Un bon jour, je quitte le restaurant. Je suis en train d'aller dans ma chambre. J'écoute la voix audible dans mes oreilles. Mais la voix était tellement si forte que le corps humain n'a pas supporté. Je commence à courir parce que je ne pouvais pas supporter cette voix. Je cours, j'ouvre mon appartement, je me jette par terre, je ferme, je commence à prier. La voix elle est claire. Tu arrêtes le travail de Bosman. Tu rentres à l'église. Parce que l'église souffre avec tes mouvements. La voix est tellement, mon corps n'a pas supporté. Mais c'est une... Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu passeras à côté de ta bénédiction. Mais à ce moment-là, j'ai déjà démissionné de la GKM. Je suis déjà parti. 5 mois après, je suis déjà parti. Mais la voix vient. Oh, c'est là que je vois les merveilles de Dieu. Dieu te parle. Le reste, il ne te dit pas. Tu prends la décision, ça s'arrête là. Je prie. Comme tous les pentecôtistes, nous pensons qu'en allant à la montagne et en dormant par terre, on va influencer Dieu. On a dormi un mois par terre, tous mes enfants, toute la famille. D'abord, un, Dieu n'a pas changé. Deux, il n'a même plus parlé. Claire. Un mois. Un bon jour, je me réveille, je me dis, bon, en tant que père de famille, Et quand on rentre sur le lit là, le lendemain on me téléphone. Non, on te cherche. Le DG de la gendarmerie à l'époque, il te cherche. Le premier jour, je dis d'abord, non, je ne parle pas. Le deuxième jour, on m'appelle, on te cherche. Et puis, on me donne un conseil. On dit, mais non, c'est une autorité, tu dois quand même aller. J'ai dit au DG de Bosman, ok, on me cherche. Je dis, non, Désiré. Le travail que tu fais pour nous ici, je te donne mon hélicoptère. Mon maïs a mal à quoi, hélicoptère. Et puis je me dis, hélicoptère. Mineskoufa. Et j'ai dit, non, je pars vers le véhicule. Il dit, non, l'hélicoptère, c'est bien entretenu. On t'attend à l'aéroport. Tout ça, le travail que tu fais. Il dit, non, je prends mon véhicule. J'arrive parce que j'ai écouté la voix de Dieu. Le DG, j'entre. Il me dit, tiens, Désiré, on m'a dit que tu es pasteur. Je dis oui. Il tire son tiroir. Il sort ma lettre de démission. Il me dit en face, je refuse de la signer. Tu ne pars pas. Tu rentres ici à la Jekamine. Il regarde le DRH qui m'accompagnait. D'ailleurs, les 5 mois qu'il vient de faire ici, paye-lui tout son salaire, considérez qu'il est en congé. Il me dit, non, j'ai déjà apprêté sa paye. Oh. Même les factures de son enfant qui était parti au sud malade. C'est combien? On dit 18 000 dollars. Il dit, non, vous payez. Non, j'avais déjà préparé ça. C'est dans le bureau, je suis en train de réaliser que maintenant, la voix me revient. Je suis en face de lui. La voix me revient. Et il me dit, qu'est-ce que tu en dis? En moi-même, je me dis que je dois encore mettre Dieu à l'épreuve. Vous savez, papa, je ne sais pas. Tu vends tout, Je mets même Dieu à l'épreuve. Je lui dis, donnez-moi encore 2 mois de raisonnement. Il me dit, pas de souci. Vous lui donnez encore 2 mois. Chaque mois, vous lui payez son salaire. Et vous considérez qu'il est en congé. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'Ashka. Je suis rentré. Quand je rentre, mon salaire était divisé par 4. Quand Dieu te parle, ce n'est pas que c'est tout de suite. Mon salaire divisé par 4. Quand j'ai dit au DG de Bosman que je rentre, il me dit non, Désiré, à cause de l'église? Non, sur ton salaire, je t'ajoute 1500. Je lui dis non, ici, je vais maintenant te parler. Je n'ai pas de plan avec l'argent. Je suis lié pendant que tu me vois. La force qui me lie est tellement puissante que je ne sais pas dire non. Je n'ai pas de force. Il me regarde. Il quitte. quitte le bureau, il claque la porte. Il part. Le lendemain, son grand frère vient. Marc, je crois que Serge là, il connaît. Marc vient. Mais il dit, mais Désiré, parle-moi un peu de ton Dieu là. Il fait quoi? Ton Dieu là, il fait quoi? On t'ajoute 1500. On te propose une maison. 5 chambres. Avec une piste de chez vous. Tout ça, ça ne t'intéresse pas? J'ai dit, non, je suis lié. La force qui me lie ne me permet pas de faire des mouvements. Il me regarde. Ok, parle-moi un peu de ton Dieu là. Je lui parle. À la fin, Marc me dit, je ne comprends rien. Mais on n'a pas encore vu un noir comme toi. J'ai dit à Laurent, on te libère, mais prends nos numéros de téléphone. À tout moment que tu voudras revenir, téléphone et revient. Ça aussi, c'était un piège du diable. À tout moment, il est sur ma tête, se répète. Il a un grand numéro de téléphone. Il a un grand mon pichi. Mais tu as quitté. Je voulais m'appeler. Et puis, il a un rire. Mais la voix de Dieu, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Dieu nous met à l'épreuve. On me donne, mes enfants sont là, une camionnette simple cabine. Le matin, pour aller au stade, on pousse. On est comme au deuxième. Hein? On a poussé, on a lâché. Un jour, on a poussé, on est descendu sur du bronze. On a poussé. Ça ne démarre pas. Et puis il dit, bon, ok, prenez l'argent, paye le transport. Pendant qu'ils partent, mon fils Will, il me regarde, il me dit, papa, tout ça, tu veux dire que c'est ton Dieu qui t'a parlé? Et puis tu réponds quoi? Tu vas pleurer seulement. Mon frère, je suis venu. Pourquoi ça? Donc, vous avez basculé dans... Non. Tu pleures. Mais Dieu a déjà parlé. C'est tout. Dieu a parlé. Dieu n'est pas notre ami. 2012, 2013, 2014, 2015. Dans notre temps, on a commencé à faire maintenant des campagnes. Kamatanda, Tunafungula, Kanisa. 2016, 2017, je pense. Je suis en Chine. Une délégation du gouvernement, tout ça vient en Chine. Je suis parti pour une usine qu'on devait démarrer. Comme ingénieur, on discute. À la fin, on dit, non, il y a un ingénieur là. On dit, il est où? On lui donne 5 minutes. On m'appelle là en Chine, à Beijing. Nous sommes au 22e niveau. J'entre là. On m'a dit, comment tu t'appelles? Ok, parle-nous de toi. Tu n'as que 5 minutes. 5 minutes. Je m'appelle Mbaye Mukoj Désiré, né à Kolwezi, étudié à Okweli, et Unikine. Je suis rentré à Lubumbashi, etc. Je travaille, etc., etc., etc. Bon, ok, il est temps, ça va, on est pressé. On m'a dit, il est temps, on est pressé. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Nous entrons en réunion. En pleine réunion. Non, avant de commencer la réunion, nous, on n'a pas le temps, mais nous voulons fixer le salaire de ce jeune homme. À partir d'aujourd'hui, la société, la Somidez, vous le payerez 6 000 $ le mois, à partir d'aujourd'hui. Donnez déjà, moi je signe, le chef signe et il part. Et puis, il y a un problème. Le même salaire qu'on me payait là-bas, on me le signe en Chine, en 2017, en dehors de la JICAMI. je rentre. Non, non, la Chine, on est en plus 6, ici moins 6. Donc, à minuit là-bas, ici il est 18h. J'ai attendu minuit. 18h, j'ai dit, Bandoku, tuombe ni mungu. Comme il n'y a pas de WhatsApp là, c'était Imo, quelque chose comme ça. On m'a mis une application là, mais c'est tuombe ni mungu. C'est là, quand on a pris ce jour-là, les gens ont clamé, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Non. De 2012 à 2017. Donc savoir écouter le Seigneur. Dieu dit à Gédéon, frères et sœurs, dans la vie, il faut savoir écouter la voix de Dieu. C'est lui qui a écouté la voix de Dieu. Il se comporte différemment. Tout le monde peut partir. Il dit non, moi Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu ne change pas ce qu'il a dit. Non, Dieu ne change pas. Même si tu es déjà mort, ce que Dieu a dit sur Élisée, qui devait faire le double de miracles, le double devait se réaliser même quand il était mort. Ce que Dieu t'a dit, même après toi, sur tes enfants, ça se réalisera. Cherche à ce que Dieu te parle. Cherche à écouter Dieu. Jésus dans la tombe. Les sacrificateurs vont voir Pilate. Nous nous rappelons que cet imposteur avait dit. Oh, il avait dit. Après 3 jours, je ressusciterai. Mettez les militaires, frères et sœurs, la parole de Dieu sur toi est capable de vaincre même les militaires que le diable mettra aux portes de ta vie. Alléluia! Quand Dieu parle, il a parlé. Troisième principe, Dieu dit à Gédéon, ce peuple est trop nombreux. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Et disant que c'est ma main qui m'a délivré. Troisième principe, Dieu est jaloux de sa gloire. Frères et sœurs, Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu est jaloux de sa gloire. Chaque fois que Dieu te fera du bien, il veut que tu lui rendes gloire. Dieu est jaloux de sa gloire. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Lisons ensemble. Lisons ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Je suis l'Éternel. Sera mon nom. Le suivant. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et mon honneur. Dieu ne donne jamais sa gloire à un autre. Exode chapitre 20, verset 15. Non, Exode chapitre 20, versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 4. Tu ne feras point d'image taillée, etc., etc., etc., etc., etc. 5. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Bien-aimé. Je vais dire, et désormais, nous allons commencer à faire quelque chose dans cette église. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Quand ils vont vaincre, qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui nous a donné la victoire. Et Dieu doit enlever tout ce qui ferait que tu penses que c'est toi-même qui as eu la victoire. Si tu veux que Dieu te coupe les robinets, oublie de lui dire merci. Tu es un enfant. Ce n'est pas parce que tu étais grosse. C'est parce que Dieu t'a donné cet enfant. Tu as un travail. Ce n'est pas parce que tu es très intelligent. Et puis l'intelligence, c'est quoi? Vous êtes sûr que nous ne sommes plus intelligents que ceux qui sont morts avant nous? Vous êtes sûr que tu as le grade que tu as parce que tu mérites? Ce n'est pas parce qu'il y a un Dieu. L'homme oublie de rendre grâce à Dieu. Dieu est jaloux de sa gloire. Tu chantes bien. Tu es beau, tu es belle, tu fais les affaires. Est-ce qu'une semaine peut se terminer sans que tu ne donnes gloire à Dieu? Dans votre famille, les frères et sœurs avec qui vous dormez sur le même lit. Est-ce que le monde n'a pas moi? La grâce en se multipliant fait abonder les actions de grâce. Dieu multiplie ses grâces dans nos vies. Je suis dans 1 Corinthiens. Pour que la grâce en se multipliant fasse abonder les actions de grâce. Dieu dit à Gédéon, le peuple est nombreux. Bien-aimé, montre toujours à Dieu que ce que tu as, ce n'est pas ça. Tu es toujours prêt à lui donner, à dire merci. Et Dieu multiplie, tu lui dis merci. Dieu multiplie, tu prends la voiture, tu donnes à Dieu. Tu prends la maison, tu donnes à Dieu. Tu prends l'argent, tu donnes à Dieu. Bien-aimé, l'argent ici, c'est rien. La voiture, c'est rien par rapport à la vie. La maison, c'est rien par rapport à la vie. Alléluia. Tu as une maison de 4 étages parce que tu es en vie. Quand tu n'as pas la vie, tu auras une maison sans étage. Il y a des tombes avec étage. Hein? Il n'y en a pas. Hein? Donc même les gens riches là sont enterrés dans des tombes. Ground floor. Alléluia. Donc, elle est à niveau zéro, en dessous. Tu avais des étages. Tu avais des voitures. Mais quand on doit t'enterrer, on creuse. Et pendant que tu es en vie, tu ne sais pas rendre grâce à Dieu. Non, non. Mes amis, viens ma fille. Ma fille, ma maman, comme vous voulez, mettez le panier d'action de grâce là. Chaque jour, chaque dimanche, mettez-moi ce panier d'action de grâce. Pourquoi je le fais maintenant? Vous allez écrire action de grâce. Parce que nous voulons apprendre à dire merci à Dieu. Pour que Dieu comprenne que notre cœur a changé, ce que je suis, je le dois à Dieu. On n'a pas dit action de... Non, non. Chacun a la relation avec Dieu selon ce qu'il connaît de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit ceci. Celui qui connaîtra son Dieu agira avec... Il agira comment? Avec fermeté. Donc, ta façon d'agir dépend de la façon dont tu connais Dieu. Bien-aimé, terminer une semaine sans rendre vraiment grâce à Dieu. Donc, ce que j'ai, c'est trop pour me donner la vie. Non, non. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, nous sous féconde, nous allons aussi te mettre à l'épreuve. Alléluia. Moi-même, je donne ma première semence d'action de grâce chaque dimanche. En fait, nous sommes entre nous. Je vais dire quelque chose. Chaque fois que je rentre de Lubumbashi, chaque fois que je rentre du voyage, je ne commence jamais chez moi à la maison. Ceux qui me connaissent voient un peu. Dès que j'arrive, je commence toujours par l'église. Je fais cette route. Je n'ai pas étudié le pilotage. Je ne suis pas à Milton. Je ne suis pas à Milton. Et je sais que tout peut arriver. Quand je pars, je reviens, je prie, je donne mon action de grâce. Dis, Seigneur, merci de m'avoir gardé. Même l'avion, j'ai toujours dit que je n'aime pas les avions. Je les prends parce que je dois les prendre. Mais quand je monte, je descends, je dis toujours, Seigneur, merci. Ce que Dieu a dit à Gédéon, je vais réduire, parce que je suis jaloux. Je ne donne pas mon honneur à quelqu'un d'autre. Mon frère, apprends à donner tes actions de grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as des voitures, que tu as ce poste-là. Ce n'est pas parce que tu es beau, que tu es belle, non. C'est Dieu. Vous savez une chose, je libère d'abord ce que j'ai dit à Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie. Quiconque va se souvenir de toi et donner son action de grâce dans ce panier, sois reconnaissant envers lui, qu'il a obéi à ta parole. Alléluia. J'ai compris dans la vie une chose. Frères et sœurs, j'ai des amis avec qui on a fini les études ingénieurs. Tu as des amis, tu as des connaissances dans l'église. il y en a qui ne sont pas mariés comme toi. Qui a donné cette opportunité? Tu es sûr que c'est ta beauté? Tu es sûr? C'est Dieu. Quand je faisais, ou quand je fais la route tout le temps, même quand j'allais à Bosmani, même quand je vais à Lumbashi, chaque fois j'arrivais à un village, on appelait village bleu, ou des bleus, ou bleus, je ne sais pas. Et je me disais, Seigneur, je pouvais naître dans ce village, non? Et être aussi Boussoubout, non, Baba Mampagne. Ton locota bouillot, quand tu as coupé la balle. Eh, ben, ma pombe, faut que tu aies ta foutre à mon pauvre. Mais oui, ben, la cousine, mon licas. Ou le fan, ni jouz, allez, mon licas. Dans le ventre, tu n'as même pas prié. Bien-aimé, source féconde, désormais, prépare ton offrande, prépare ton action de grâce. Si Dieu n'a rien fait pour toi, regarde ce que Dieu a fait pour tes enfants, regarde ce que Dieu a fait pour ta famille, regarde ce que Dieu a fait pour ton père. Il y en a qui ont encore leur père en vie. Ils doivent remercier le Seigneur. Hein? Je vous dis la vérité. Longtemps après, j'ai compris qu'avoir un père en vie, c'est une grâce. Avoir une mère en vie, c'est une grâce. Donc, si tu trouves qu'il n'y a rien pour toi, fais-le pour ton père, fais-le pour ta mère. Fais-le pour ton mari, fais-le pour ta femme. Vous savez, il y a la vie bascule. Chaque fois que tu perds un père, tu perds une mère, tu perds un mari, tu perds une femme, tu perds un enfant. Un parent ne doit pas enterrer son enfant. C'est vrai que la vie bascule. Chaque fois qu'on a ces problèmes-là, et c'est comme ça que quand vous les avez, oh bien aimé, faut être dans la joie. Faut être dans la joie. Je ferme la parenthèse. Principe numéro 4, on va y aller terminer. Le verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. Principe numéro 4. Dieu n'aime pas faire les affaires avec des lâches. Voilà. Je ne sais pas comment on dit en swahili. En swahili, comment on dit des lâches. Oui, oui, des craintifs, des peureux qui sont prêts à abandonner. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de risque. C'est pourquoi nous la vivons par la foi. Dieu ne fait pas le business avec des lâches, des craintifs. Il dit, comme on a t'aimé, quand t'aimé ça cette fois. Je vais te faire trembler cette fois. Vas-y. Dieu aime des courageux. Malheureusement, les paresseux et les lâches sont nombreux. C'est lui qui met la main à la charrue. Et regarde en arrière. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Quand dans la vie, Dieu te donne un travail. Quand on a dit, moi, je suis biatch. Frères et sœurs, comment on est biatch, il te sera difficile de reprendre. Et même si tu reprends, tu ne seras jamais au niveau où Dieu t'a dit. C'était ça avec Élie. Élie. Dieu lui dit, alors, arrête. Va oindre Élisée, Jéhu. Et qui? Jéhu, Élisée. Le troisième, c'était qui? Ok, il est parti. Il a jeté son menton sur Élisée. Et il dit, tu me suis. Dieu directement a dit à Élie, hop. Élie, le prophète de feu. Frères et sœurs, quel que soit ce que tu fais avec Dieu, Dieu ne fait pas de business. J'ai lu ça dans la version anglaise. God does not do business avec les paresseux et les lâches. Oui. Les craintifs. Non. Dieu te donnera toujours des missions impossibles. Dieu ne peut pas te demander ce que naturellement que tu peux faire. Je prie aujourd'hui que la peur soit ôtée de ta vie. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Tu seras toujours affronté aux choses plus grandes que tes capacités. La peur vient du fait qu'on ne voit pas ce que Dieu voit. Mais vas-y par la foi. Le serviteur d'Élisée lui dit, quand il voit les chars, il dit non, j'ai peur. Élisée lui dit non, calme-toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et regardez la prière d'Élisée. La prière d'Élisée n'était pas de chasser la peur. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Quand il a vu, il dit, ah, en tout cas, Tukuba Shuja, lève ta main. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi de voir par la foi selon toi. Apprends-moi à écouter ta voix pour que je ne sois pas lâche, que je marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, 10, mais c'est deux principes. Donnez-moi juste 10 minutes, on termine. Ça, c'est l'introduction de ce qu'on va dire dans la semaine. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite. Ça, c'est quand quelqu'un traverse des temps d'épreuve. Je prie le Seigneur maintenant. Au nom de Jésus. Il y a des gens, Seigneur, qui traversent des moments d'épreuve, des moments difficiles dans leur vie. Ils ont peur du lendemain. Ils ont peur dans la maladie. Mais tu nous dis de ne pas avoir peur. Je prie maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais grâce qu'ils n'aient pas peur. Fais grâce qu'ils entendent ta voix. Fais grâce qu'ils avancent sur le chemin par la foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Principe numéro 5. La Bible dit, l'Éternel dit à Gédéon, Que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui la paieront. Ici, j'explique rapidement, on va terminer. 22 000 sont partis. Il reste 10 000. Dieu se part toujours. Dieu se part livré du blé. Dieu te séparera, et c'est ma prière ce soir, ce matin, de tout ce qui peut t'empêcher de remporter la victoire et montrer que cette victoire vient de Dieu, pas des hommes. Dieu dit, « Ah, bah, 10 000 manabaki, à bout, tu m'as prêché pour maï. » Dieu a des méthodes compliquées. Amène-les à la rivière et dis-leur qu'ils boivent de l'eau. Moi-même, je vais trier. Ils vont à la rivière. Je dois leur dire, ok, buvez d'abord de l'eau avant de continuer. En appliquant un frime. Moi, je me raconte une maille. Ils entrent dans l'eau. En fait, ce qui est normal, ils ont mal fait, non? Ils ont protégé Mukongo Shiba. Ils ont pris la bonne position. Mais Benguine, ils sont arrivés à la rivière. Il ne prend pas assez. Il prend plusieurs fois. Mais il prend l'eau avec la main. Dieu dit non. Moi, je garde ceux qui ne se sont pas assis dans l'eau pour boire. Ceux qui ont bu comme ça, comme les chiens. Donc, il y a un peu tout pressé. Il y a un peu donc, Mungu anabeba bale bana lambula mai. Ah, ok. Donc, les chiens, on ne va pas vraiment développer ça, on n'a plus le temps. A des positions meilleures à un moment donné. Demandez à tous ceux qui forment les militaires. Un militaire comme ça, anekala mumai. Il faut les déclasser. Chrétiens, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Dieu, principe numéro 5, 6, Dieu avance avec les courageux et ceux qui sont pressés d'accomplir sa volonté. Dieu élimine 9700. Dieu n'était pas contre des grands nombres. Et principe numéro 6, il resta 300. Dieu dit à Gédéon, c'est avec les 300 personnes que tu vas délivrer Israël de la main de Madian. La délivrance n'est pas fonction des moyens que toi tu as. La délivrance appartient à l'Éternel. Tu as des problèmes dans la vie. La délivrance appartient à l'Éternel. Ne regarde pas tes moyens. Regarde à l'Éternel, il te donnera la délivrance. Nous nous mettons debout, nous nous mettons debout. Nous voulons prier, j'ai donné 6 principes. Nous nous arrêtons ici. Mercredi, nous allons commencer. Quand Dieu a choisi les hommes, il va les équiper avec des armes extraordinaires. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Savoir écouter la voix de Dieu. Savoir compter sur le moyen de Dieu. Savoir rendre grâce à Dieu. Comprendre que tous les amis que j'ai aujourd'hui, demain, je ne les aurai pas tous dans ma gloire. Ce sont des choses dures, mais c'est comme ça. Alors quand je marche dans les ténèbres, quand je marche dans les... voilà, vous pouvez me chanter ce cantique, nous voulons prier. Bien-aimés, nous voulons prier. Pendant quelques minutes, que le Seigneur puisse te faire grâce. Quel est le principe qui a touché ton cœur? On peut le mettre au tableau. On peut mettre les 6 principes au tableau. Tu regardes toi-même. Ce qui a touché ton cœur, tu dis, Seigneur, principe numéro 1, tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui n'entreront pas forcément avec moi demain. Je dois prier pour mes enfants. Je dois prier pour ma femme, pour mon mari. Je dois prier pour mes frères. Principe numéro 2, savoir écouter la voix de Dieu. Dieu dit à Gédéon, bien-aimé, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Principe numéro 3, Dieu est jaloux. Savoir rendre grâce à Dieu pour montrer que la victoire revient à l'Éternel. La victoire revient toujours à l'Éternel. Bien-aimé, c'est très important. Principe numéro 4, Dieu n'aime pas les lâches, les craintifs, ceux qui rentrent en arrière. Principe numéro 5, Dieu aime les gens courageux et qui sont pressés pour l'œuvre de Dieu. Principe numéro 6, la victoire n'est pas fonction de tes moyens, la victoire est fonction des moyens de l'Éternel pour ta vie. Voilà, j'ai récapitulé. Ça signifie quoi? Dieu a sa méthode pour te donner la victoire. Abraham a cherché sa méthode. Il a eu Ismaël. Jusqu'aujourd'hui, Israël et Gaza, c'est des problèmes. Il n'y a personne pour régler ce dossier. Pourquoi? Il n'a pas utilisé la méthode de Dieu. Frères et sœurs, on a parlé de Moïse. Dieu lui a dit que tu vas libérer Israël. Moïse a utilisé sa méthode. À cause de sa méthode, on a dû le chasser du palais. Parfois, nos principes à nous nous éloignent de certains privilèges, de certaines grâces. C'est très important de comprendre ces choses. Alors, j'aimerais que tu pries. Lève ta main là où tu es. Ils vont mettre tous ces principes au tableau, ils écrivent. Lève ta main selon ce que tu as retenu. J'aimerais que tu pries le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Allez-y. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Oh, Bachara Baba. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Tu as une méthode pour ta délivrance. Il a une méthode pour ta délivrance. Seigneur, merci. Nous te disons merci. parce que tu es fidèle. Bien-aimé, j'ai dit beaucoup de choses, parfois dures, pour notre bien. Je suis convaincu que cette église, Dieu nous amène à une autre dimension. Dieu va te bénir. Je suis sûr. Le temps de la bénédiction est arrivé. Je proclame comme prophète et serviteur de Dieu. Le temps est arrivé. N'oublie pas de donner gloire à Dieu. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Il dit à Gédéon, c'est trop. Ils vont dire que c'est à cause de nous-mêmes que nous sommes délivrés. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas à cause de ton argent que tu es en bonne santé. Ce n'est pas parce que tu manges bien. Ce n'est pas parce que tu prépares bien que ton mari t'aime. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que ta femme te respecte. C'est Dieu. Si tu comprends ces choses, chaque jour, tu changeras ta façon de servir le Seigneur. Lève tes mains. Père, merci. Merci pour là où tu veux nous introduire dans cette église. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Donne-nous de garder cette parole qui nous accompagne dans notre vie. Nous nous recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous passons aux offrandes. Déjà, la chorale, les offrandes.